الدعوة السلفية الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. cours numéro 18 القراءة بعد الفاتحة. le jugement de la lecture des autres sourates après la Fatiha. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et le musulman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa min tabi'a atharahum wa ktafa. Amma ba'da fi nastaqa al-hadith kitabullah wa khayru hadihi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Amma ba'd. Donc le cours du lundi dernier, il avait tourné autour de yani, le jugement de la lecture de la Fatiha pour la personne qui est présidée. Amma l'imam, il lui incombe, que ce soit dans les prières à voix basse ou dans les prières à voix haute, qu'il lise la Fatiha tamam, da'iman. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yaqra bi Fatiha al-kitab. Invalide est la prière de celui qui n'aura pas lu Fatiha al-Kitab. Et comme on a pu le voir, barakallahu fikum, qu'il y a un khilaf, une divergence quant à la personne qui est présidée. Est-ce que la lecture de Fatiha lui incombe, comme c'est le cas de l'imam, c'est-à-dire dans les prières qui sont faites à voix haute et les prières qui sont faites à voix basse, ou bien il lui incombe seulement de lire, il y en a dans les prières qui sont faites à voix basse. Comme on a pu le voir, l'avis qui est prépondérant, en fait, il y avait trois avis. Un avis qui dit que celui qui est présidé, il ne lit pas la Fatiha, que ce soit les prières à voix basse ou les prières à voix haute. Ils ont pris pour cela un hadith qui est d'arif, dans lequel il se trouve quelqu'un qui est accusé d'avoir du mensonge. Muttahim bil kadhib. Dans lequel il est dit, man kana lahu imam, fa qira'atu imamihi qira'atuhu. Celui qui a un imam, il se suffit de la lecture de son imam. C'est-à-dire, il ne lit pas la Fatiha, que ce soit dans les salats qui sont à voix haute ou à voix basse. On a pu le voir, ce hadith-là, il est d'arif. Il est d'arif jiddan. On peut même dire que c'est un hadith qui est mondou, un hadith qui est inventé. Le deuxième avis est que yani, la Fatiha, elle est obligatoire, que ce soit dans les prières, yani, que pour les personnes, on parle des personnes qui sont présidées, hein, pas de l'imam. Elle est obligatoire, que ce soit dans les prières à voix basse ou bien les prières qui sont à voix haute. Ils ont pris pour cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat al-imam lam yaqara bi Fatihat al-kitab. Invalider la prière de celui qui n'aura pas lu la prière al-Fatiha. Ils ont dit ce hadith-là, il est âme, il est général. Il englobe que ce soit l'imam ou bien que ce soit la personne qui soit présidée. La salat al-imam. Et comme vous allez voir, inshallah, l'imam, ça fait partie dans la langue arabe, il y a des termes qui, barakallahu fikum, indiquent qu'il y a une généralité. C'est-à-dire, ça implique il y a l'imam comme ça implique la personne qui est présidée. Ils ont pris pour cela kazalika un hadith qui est ramené par Abu Huraira. Dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يصلي بالناس فقرأ رجل خلفه. Tamam, une personne derrière lui a lu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a lu derrière moi? Cette personne-là a dit, c'est moi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا تمام إلا بفاتحة الكتاب. Ne lisez pas derrière moi, excepté si jamais vous devez lire Al-Fatiha. Voilà les deux arguments sur lesquels se sont appuyées les personnes qui ont dit qu'il est obligatoire à la personne qui est présidée de lire Al-Fatiha, que ce soit dans les prières à voix basse ou bien dans les prières qui sont à voix haute. L'avis qui est prépondérant, c'est le troisième avis, Inch'Allah, celui qu'on avait choisi. c'est que yani al-Fatiha, tamam, barakallahu, pour la personne qui est présidée, elle est obligatoire dans les prières qui sont faites à voix basse, tamam, et elle est obligatoire, elle n'est pas obligatoire, tamam, pour les prières qui sont faites à voix haute, pour les prières qui sont faites à voix haute. La preuve qui nous prouve cela, hadith Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il a été rapporté par le Bukhari, dans lequel لحق الصف وهو راكع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا نعم زادك الله حرصا لا تعود. Abu Bakr un jour a voulu rejoindre les rangs de la prière, il se mit à les rejoindre en se mettant en mode ou en position de recours, c'est-à-dire qu'il a fait le recours avant d'atteindre le rang, et ensuite il a marché tout en étant en recours afin qu'il puisse rattraper la raka'a, car le Nabi sallam dit man adraka raka'atan min as-salat faqad adraka ar-raka'a, celui qui a rattrapé une raka'a, c'est-à-dire qu'il est venu au moment du rukou', il a certes rattrapé ar-raka'a, c'est-à-dire qu'il n'a pas recommencé cette raka'a, donc il a fait cela afin qu'il ne recommence pas la raka'a. Le Nabi sallam lui a dit yani qu'Allah te rajoute de la ferveur, mais ne recommence pas cela, c'est-à-dire si jamais tu veux joindre les rangs en étant en position de rukou', tu ne dois pas le faire ami d'un endroit qui est loin, c'est-à-dire lorsque tu es proche du rang, lorsque tu es prêt à rentrer dans le rang, naam, si jamais c'est un pas ou deux à faire afin que tu rentres dans le rang, bah, je le fais comme ça, c'est possible. À moins de venir de loin, même, ensuite de rentrer dans le rang en marchant yani, tout en étant record, ça c'est une chose que Nabi Sallam lui a dit, la ta'ud, yani, ne recommence pas ceci, ne recommence pas cela. Et Nabi Sallam lui a pas dit, donc il est venu en record, et c'est ma'ruf, en record tu ne lis pas, dans le record al-Fatiha, ça a été interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lire le Coran en étant en position de recours, qu'à quelqu'un en sujoud. Mais malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il n'a pas lu Al-Fatiha. Mais malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit recommence la prière. Il a dit la ta'ud, et recommence pas cela. Ne te mets pas en recours, il y a un endroit qui est loin pour rejoindre les rangs. Donc si jamais la Fatiha aurait été obligatoire, pour la personne qui est présidée, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit de recommencer la prière, car il dit la salat al-imam lam yaqra bi fatihat al-kitab, invalide la prière de celui qui n'a pas lu al-fatiha. Donc l'avis qui est prépondérant, c'est de dire tamam, et qui est juste, c'est de dire al-fatiha elle est obligatoire à toute personne qui a la possibilité et la capacité de pouvoir lire al-fatiha. Ça veut dire quoi? Celui qui prie derrière son imam dans la prière qui est faite à voix basse, parce que là, il n'a aucune chose qui l'empêche de pouvoir lire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un interdit de lire lorsque l'imam il lit à voix haute. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer sur la lecture de l'imam. Qui m'a dit subhanahu wa ta'ala, wa idha qura al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lorsque le Qur'an est lu, il faut l'écouter de manière attentive afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. C'est-à-dire que lorsque la personne, l'imam, il prie à voix basse, il a pu ce motif-là qui empêche celui qui est présidé de pouvoir lire Al-Fatiha, parce que là on n'entend pas la voix de l'imam. Donc dans ce cas là il est obligatoire à celui qui est présidé de lire Al-Fatiha. S'il ne lit pas sa prière, t'as même elle est invalide. Kadhalika, comme l'a dit l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, pour la personne yani, lorsqu'il est présidé par un imam qui prie dans une mosquée, on va dire d'une grande superficie yani, qui l'empêche de pouvoir yani, cette superficie là fait que yani, la personne qui est présidée elle n'entend pas la lecture de l'imam. Ou bien مثلا, il y a comme la prière à l'effet à voix haute, lakin qaddar ma shifra, yani soudainement il y a un problème technique, on n'entend plus le micro, comment ça s'appelle, il ne marche plus, c'est à dire là l'imam il va lire mais peut-être d'une voix qui va faire que ceux qui sont derrière lui ne vont pas l'entendre. Dans ce cas là la personne elle est obligatoire kadhalika, même si la prière à la voix haute, qu'elle lise al-fatiha, car là kadhalika le motif il est plus présent, c'est à dire la lecture de l'imam elle n'est pas entendue, donc il doit lire al-fatiha. Et kadhalika pour la personne, comme c'est le cas de Hadith Abu Bakr, lorsqu'il arrive, tamam, et l'imam, on va dire, il est en rukou', tamam, c'est-à-dire il ne fait pas de takbir, il lit le fatiha, ensuite il se met en rukou'. Non, il doit faire takbir et se mettre en position comme il est l'imam. Car Nabi Sallam a dit, inna majura l'imam, lui est tamabé. L'imam, il a été placé pour être suivi. C'est-à-dire que s'il est en rukou', tu viens directement en rukou', tu fais comme lui, même si jamais tu n'as pas lu le fatiha. Parce que là, tu n'as pas la possibilité de lire, car tu as un motif qui te permet de ne pas pouvoir le lire, c'est le fait de suivre l'imam. Et qu'il y a le cas pour la personne maintenant qui est venue, tamam, en pleine salah, et l'imam il a déjà commencé à lire Barfaufikum al-Fatiha. Il est dans la prière à voix basse, on va dire l'imam il est arrivé à Ihdina Sirat al-Mustaqim. À ce moment-là, celui qui préside, il arrive, il rejoint les rangs, il fait takbir. Dans la prière à la voix basse. Donc, il lit ce qu'il peut, et lorsque l'imam va au rukou', il ne s'empresse pas de finir Al-Fatiha, ou bien comme on voit chez certaines personnes. Dès que l'imam dit Allahu Akbar pendant le rukou', même si jamais il n'a pas fini Al-Fatiha, on va dire, il est arrivé à, on va dire, Malik Yawmiddin, il ne se précipite pas pour la terminer, non. Il fait takbir avec l'imam, il suit l'imam. Pourquoi? Parce que là, il a un motif qui le permet de pouvoir délaisser le Fatiha, c'est quoi? C'est de suivre l'imam. Donc la Fatiha, elle est obligatoire pour la personne qui a la possibilité de pouvoir la lire. Ça, c'est Sahih fil Mas'ala. Avant de rentrer dans le livre, il y a une Mas'ala qu'on n'a pas évoquée la semaine dernière, ou plutôt qui n'est pas évoquée dans les cas dans le livre, c'est la Mas'ala du Ta'min. Le fait de dire Amin après que l'imam ait lu Al-Fatiha. Après que l'imam ait lu Al-Fatiha. Quant au jugement du Ta'min, yani yakhtalif min al-imam ala al-ma'moumin. Le jugement du Ta'min, yani différencie pour l'imam et pour la personne qui est présidée. L'imam, yani c'est mustahab alayhi de dire amin. C'est recommandé pour l'imam, pour celui qui prie aussi kadhalik, yani qui prie individuellement. C'est recommandé dans son cas qu'ils disent Amin. Car comme on va le voir, Inch'Allah, yani, Amin, c'est une chose qui a pour sens, yani, Allah mustajib. Yani, Allah subhanahu, il demande à Allah azawajal qu'il lui donne yani, ce qu'il lui a demandé dans la Fatiha. Comme on a pu le voir, la Fatiha, c'est le fait que tu demandes à Allah azawajal. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil hadith al-Qudsi, qasamtu salati qismayn. J'ai divisé la prière, c'est-à-dire Al-Fatiha, en deux parties, et une partie est pour mon abd, et il aura ce qu'il demande. Et la demande qui est dans le Fatiha, c'est quoi? Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wa al-dhalim. C'est pour ça que yani, c'est en cette occasion-là qu'il a été légiféré de dire Amin, parce que yani, le fait que tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, tu demandes à Allah Azza wa Jal qui te guide sur le droit chemin. Voilà pourquoi il a été légiféré de dire Amin, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala y réponde à cette demande qui est la demande de la guider. La demande de la guider. Donc le fait de dire Amin après la demande de la guider, tamam, comme on a dit, pour celui qui prie tout seul et pour l'imam, c'est mustahab. C'est recommandé qu'il dise après le Fatiha Amin. Et ce n'est pas obligatoire. Le dalil qui nous prouve cela, c'est Hadith Abi Hurayra, si je me souviens bien. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. Et lorsque l'imam dit ولا الضالين dans le Fatiha, dites, yani vous qui êtes présidé, dites Amin. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas dit yani si jamais l'imam dit Amin. Ceci nous prouve que l'imam il peut délaisser. Tamam, le fait qu'il dise Amin. S'il dit ولا الضالين et qu'il n'a pas dit Amin, vous qui êtes présidé, dites Amin. Telle est la compréhension de ce hadith-là. Quant à la personne qui est présidée, il lui est obligé de dire Amin dans la prière. Il est obligé de dire Amin dans la prière. Ou Dalil ala zalika, comme on a pu voir ce hadith-là, et kadhalika, qawlu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imam yutamma bihi. L'imam, il a été placé pour être suivi. C'est-à-dire que si l'imam dit Amin, tu dois dire Amin. Fa'idha qala Amin, taqulu Amin. Comme dit le hadith. Il est venu dans un hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit si l'imam dit Amin, dites-vous aussi Amin. Et le hadith, il est. Donc celui qui est présidé, il lui est obligatoire qu'il dise Amin. Ça va pas l'imam Amin ou l'imam Yaqul. C'est le même cas. C'est-à-dire si jamais l'imam il a dit Amin ou qu'il n'a pas dit Amin, dans son cas, celui qui est présidé, il lui est obligatoire de dire Amin. Qui a pour sens Allah mustajib. Les ulama, ils ont évoqué pour sens de Amin, yani fal yakun hadha. Yani, lorsqu'il dit Amin, c'est comme s'il disait je souhaite yani, que ce soit yani, comme tel, c'est-à-dire lorsque j'ai demandé la demande de guider, ihdina sirat al-mustaqim, je souhaite yani, que ma demande soit telle, yani, que je sois yani, guidé sur le droit chemin. Et l'autre ma'na qui est plus connu, c'est Allah mustajib. Yani, je te demande, ya Allah, que tu répondes à cette demande. Et les deux ma'na là sont sahih. Que tu dises yani, je souhaite que ce soit comme cela. Ou bien que tu dises, je demande à Allah Azzawajal qui réponde à mon appel. Yani, il n'y a pas de contradiction, les deux sens-là, ils sont corrects. Amin, il y a plusieurs manières de dire Amin, ou plutôt il y a deux manières de dire Amin lorsque tu veux le dire après que tu aies demandé la guidée. Tu peux dire Amin, c'est-à-dire tu mets le med sur l'alif, tu as même A et sur l'ya, Min. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a rapporté l'ittifaq, l'unanimité des savants, que cette formule-là, le fait de dire Amin, de prolonger le A et le ya, tamam, c'est une, cette formule-là, très recommandée. Elle est très recommandée. La deuxième formule, c'est de dire Amin. C'est-à-dire, tu prolonges le alif, tamam, et tu ne prolonges pas le ya, tamam, Amin. Ça, c'est les deux lorrains, les deux manières de dire, les deux formules qui sont légiférées quand on fait de dire Amin. Il faut faire attention, inshallah, barakallahu fikum, lorsque la personne a dit Amin, à ce qu'elle ne mette pas le shadda sur le mim. Tamam. Ils disent comme ça, Amin, Amin. Le fait que tu mets le shadda sur le mim, ça change le sens de Amin. Tamam. Lorsque tu ne mets pas le shadda, Amin, hey, Allahu mustajib. Je demande à Allah Azza wa Jal qui répond à ma demande. Et lorsque tu mets le shadda, Amin, c'est bien ma'ana esh, qasidin. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa la Amin al masjid al haram. Tamam, dans surat Al-Ma'ida. Tamam. Il y a ceux qui se dirigent vers le Masjid al-Haram. Tamam. Le fait que tu dises Amin, c'est le fait de que tu intentionnes une chose. Tamam. Tu intentionnes une chose. Amma, c'est le fait de d'intentionner une chose. Donc, il faut faire attention, Inch'Allah, à bien prononcer la formule, car ce n'est pas une particule, mais c'est un mot qui a un sens. Tamam. Quant au moment où il est légiféré de dire Amin, Amal imam, c'est lorsqu'il a fini de dire, l'imam est celui qui prie tout seul, lorsqu'il a dit Walad Dalin. Lorsqu'il a dit Walad Dalin, celui qui est imam est celui qui prie tout seul, il est légiféré de dire Amin, et les mustahab pour lui, il n'est pas obligatoire, qu'il dise Amin après qu'il ait dit quoi Walad Dalin. Et la preuve qui nous prouve cela, yani, c'est que Amin, c'est une dua, c'est le, que tu demandes, que ta dua soit acceptée. Donc tu ne peux pas faire précéder. La demande à ce que ta dua soit acceptée à la dua. Donc ça vient après la dua. Ça, c'est une chose qui est logique. Quant à la personne qui est présidée, lui doit dire Amin au moment où l'imam il dit Amin. Ou bien si jamais il ne dit pas l'imam Amin, après qu'il ait dit Walad Dalin, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'imam dit Walad Dalin, dites Amin. Faqulu Amin. Ça, c'est si jamais il n'a pas dit l'imam Amin. Mais si jamais il a dit l'imam Amin, tamam. Donc toi tu vas dire au même moment où l'imam il dit Amin. Pourquoi? Car comme ça a été venu l'imam, ça a rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a qal idha qal l'imam Amin qalat il malaikatu fis sama Amin fama tawafaqat ihdahuma l'ukhra ghufirahuma taqaddama min dhanbihi. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque l'imam il dit Amin, les anges qui sont dans les cieux disent kadalika Amin. Il dit le fait que tu dises Amin va correspondre au Amin, tamam, à la formule de Amin de Malaika, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Les péchés antérieurs lui seront pardonnés, ça, yani, c'est à condition qu'il ne fasse pas de Kabira. À condition qu'il ne fasse pas de Kabira, kama huwa ma'ruf inda al-jumhur, tamam. Donc, yani, le moment où il doit le dire, celui qui est présidé, c'est au moment où il dit l'imam. Au moment où il dit l'imam Amin, toi tu dois dire, lorsqu'il a commencé à dire Amin, tu le dis avec lui Amin, tamam, afin que ton Amin il correspond avec le Amin des Malaïkas. Parce que les Malaïkas, ils disent Amin au moment où l'imam, ils disent Amin. Il dit Amin. Donc ça veut dire que si jamais les Malaïkas et nous, il nous a été demandé, ou plutôt il y en est recommandé, à ce qu'on dise Amin au moment où il le dit l'imam, afin que notre Amin il correspond à ceux des Malaïkas. Les personnes qui disent Amin au moment où il dit l'imam Amin. Tamam. Donc ça c'est la sunna, c'est que tu dises Amin au moment où l'imam il a dit Amin. Et le truc c'est haram qui est interdit, c'est que tu précèdes l'imam dans le fait de dire Amin. Tamam. Tu dois dire au moment où il dit. Ah, mais si jamais tu le dis avant, ça c'est haram. Tamam. Si jamais la personne a fait exprès, ça il a commis un péché. Tamam. Parce que Nabi Sassam dit innama ju'ila al-imam liyutamma bih. L'imam il a été placé afin qu'il soit suivi, tamam, et non pas afin qu'il soit précédé dans ses actes et dans ses paroles. Et le fait de le dire après, ça c'est khilaf al-sunnah, tamam. C'est khilaf al-awla. Le fait que tu le dises yani après que l'imam a dit Amin, ça c'est une chose qui est, on va pas dire détestable, mais tu as délaissé ce qui est meilleur. Tu as délaissé ce qui est meilleur. Et la chose qui est meilleure, c'est que tu le dises au moment où l'imam il a commencé à le dire. Et le fait de dire Amin, barakallahu fikum, yani ça, et ce qui nous indique cela, yani, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma hasadatkum al-yahoudu ala shay'in mithl as-salam wa at-ta'min. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith-là a été apporté par l'imam Bukhari dans Adab al-Mufrad. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, qui est authentique, authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, et d'autres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les juifs ne vous ont pas envié à une chose telle que le fait de dire assalamu alaikum et le fait de dire amin yani dans la prière. Donc c'est une chose dont les Yahoud nous envient. Donc c'est une, nous, il faut qu'on se différencie de ces personnes-là, tamam, et il faut qu'on dise amin parce qu'on sait que ça c'est une chose qui nous envient. Les Yahoud, ils nous envient que des choses yani qui sont bien. Ils nous envient que sur le bien, les Yahoud. Donc le fait qu'ils nous envient sur ces choses-là, ceci nous prouve que le fait de dire amin c'est un bien. Et naam c'est un bien, en effet c'est un bien effectivement. Car comme cela a été évoqué dans le hadith qui a été rapporté par l'imam muslim, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Qul amin, yujibukum Allah » Dites « Amin » et Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à votre requête, votre demande. Donc le fait de dire « Amin » quand même, il ne faut pas le délaisser, car c'est au fait tu demandes à Allah azza wa jalla après que tu as fait une dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'exauce ta dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'exauce ta dua. Donc il ne faut pas le délaisser, c'est une chose vraiment à ne pas délaisser, ayyuhal ikhwatul kiram, à pas délaisser le fait de dire Amin pendant la prière, après que tu dis Wala Dalim, après que tu dis Ihdina Salat Mustaqim, parce que là tu demandes la guidée. Mais quelle chose est plus grande que le fait de se voir yani, affermir dans le chemin de la droiture? Donc il faut vraiment, vraiment méditer sur ce sens-là, Ihdina Salat Mustaqim, et qu'elle ne devienne pas une formule yani, qui est coutumière dans laquelle on l'a dit, sans qu'on. On ressent à travers cette formule, ou bien à travers cette demande-là, qui a, comment ça s'appelle, la demande à ce qu'on soit, elle a affirmé sur le chemin de la guider. Et nous a dit l'imam Ibn Abil'Is, l'abd, le serviteur, il a besoin de la guider, il reçoit ce besoin-là, vers la guider, beaucoup plus que le besoin qu'il a, pour sa nourriture et pour sa boisson. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a légiféré, il y en a plus de 17 fois, plus de 17 fois le fait de dire, car on a vraiment besoin d'être guidé sur le droit chemin. Donc Inch'Allah, Amin, c'est une chose à ne pas délaisser. C'est une chose à ne pas délaisser, même si jamais son jugement et qu'il est recommandé pour celui qui prie tout seul ou bien pour l'imam. Naam kathalika, parmi les points qu'on se doit d'évoquer afin que les personnes qui n'ont pas pu écouter le darsh du lundi dernier puissent profiter, c'est qu'on avait dit la sunna, tamam, fait le ma'moum, c'est le sir. La personne qui lit, qui est présidée, lui est recommandé par le profico, lorsqu'il lit, elle fait atiha ou autre, et qu'il la lise à voix basse. Et l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a ramené l'ittifaq, l'ijma', que yani, c'est mustahab. Pour la personne qui est présidée, il lui est recommandé, quand même, il lui est recommandé de lire, yani, al-fatiha et les autres surat du Coran, qu'elles soient faites à voix basse. Et la preuve qui nous prouve cela, c'est hadith Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le Nabi sallam salla al-dhahr fa ja'ala rajulun yaqra khalfahu yani yaqra sabbih isma rabbika al-ala fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da an insarafa ayyukum qara'ah fa qala ar-rajul ana ya rasulullah fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam qad dhanantu anna ba'dahum aw anna ba'dakum khala janiha. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith, il est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Ce hadith, rapporté par l'imam muslim, selon Imran ibn Hussein, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait prié, Salat al-Dhahr, dans lequel il avait observé qu'une personne lisait en même temps que lui. Il lisait Salat bihisma rabbika al-a'la, et il voyait qu'une personne, kadhalika, il l'imitait dans sa prière. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lequel d'entre vous est en train de lire? Et il a dit, Ana ya Rasulullah, c'est moi qui est en train de lire avec toi. Faqan ibn Sussum, qadalantu anna ba'dahum khala janiha. Il a dit, j'ai pu constater qu'il y avait une personne qui essaie de nous concurrencer dans la lecture de ce verset-là. Sabbih isma rabbika al-a'la. Les ulama, ils nous ont dit, ceci nous prouve que yani, c'est détestable. T'as même de lire yani, à voix portante, à voix haute, si jamais l'imam, si jamais la personne allait présider. T'as même, et la sunna qui lui est légiféré pour la personne qui est présidée, c'est qu'il lise à voix basse. C'est qu'il lise à voix basse. Donc, dans le cas, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yajhar ba'dukum ala ba'din bin Qur'an, fa kullukum yunaji rabbahum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Yani que l'un d'entre vous n'élève pas la voix sur son frère lorsqu'il lit le Coran. Il a dit le kum yunaja rabbah. Yani chacun d'entre vous, il est en train d'évoquer son Seigneur. Donc ça, ceci nous prouve que le fait d'élever la voix, yani sur une autre personne qui lit le Coran, ceci est une chose qui est détestable. Yani le Nabi sallam il a interdit la yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Coran. Ceci nous montre que c'est une chose qui est vraiment yani détestable. Et on va rajouter parmi les masaïl, parmi les sujets, afin de compléter le thème de la lecture de la Fatiha. Est-il légiféré à la femme de lire la Fatiha, yani à voix haute ou bien à voix basse? Yani le jugement à la kulli hal, il est le même yani pour les femmes, yani c'est le même jugement pour les hommes, c'est-à-dire que comme on a pu le voir, yani si la femme allait présider, à la kulli hal, ils sont tous unanimes que si jamais elle est dans le masjid, c'est-à-dire qu'elle est autour de personnes qui sont pas yani qui sont pas tuteurs de cette femme-là, elle ne doit pas élever la voix, elle doit pas élever la voix, ceci yani. Il n'y a pas de divergence entre les savants. La femme, elles sont entre femmes. Ou bien, si jamais elle est à côté de son mahram, de quelqu'un qui est son tuteur, il n'y a pas de problème. Si jamais elle est dans une prière à voix haute, et que sa voix ne va pas être entendue par des personnes qui sont étrangères, il lui est tout à fait légiféré qu'elle élève la voix pour lire yani, al-Fatiha. Qu'elle élève la voix pour la Fatiha à partir du moment où sa voix yani, elle n'est pas entendue auprès des gens qui lui sont étrangères. Ça, c'est le choc, mais il est pour la femme. Et non, on a pu voir qu'à Dalika, que certains, on peut observer, yani, certains imams, ils observent le silence. Lorsqu'ils lisent le Fatiha, ils observent le silence. Après qu'ils aient lu le Fatiha, avant qu'ils entament une autre soirée, ils observent le silence. Ça, c'est une chose, yani, qui n'est pas légiférée. Et c'est une chose qui n'est pas connue de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était connu que lorsqu'il lisait le Fatiha, il s'arrêtait le temps de reprendre sa respiration et ensuite il ouvrait une autre sourate. Amma, ce qu'on peut voir dans certaines mosquées, même si jamais c'est des mosquées dans lesquelles les yeux sont rivés, faut pas se faire duper, il n'y en a pas. Comme les imams de ces mosquées-là, c'est-à-dire ces personnes-là qui mettre des temps d'arrêt, qui observent un temps d'arrêt après le Fatiha, car c'est une chose qui n'est pas connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mère des guidés, c'est la guidée du prophète alayhi wa sallam. Donc les personnes qui sont imams, ils ne doivent pas observer cette chose-là, c'est-à-dire laisser un temps pour que ceux qui sont présidés puissent lire le Fatiha. Même si jamais son attention elle est bonne, c'est-à-dire lui veut que ceux qui sont derrière lui ils puissent lire le Fatiha, d'intentionner des choses, ça ne suffit pas pour yani que cette chose-là soit légiférée. Il faut avant tout que cette chose-là soit conforme à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le simple fait d'avoir une bonne intention n'est pas suffisant. Il faut que cette chose-là, kadhalika, soit conforme à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'était lui qui était arhamun nas bil ibad. C'était lui qui était le plus clément yani envers les serviteurs, et même parmi les êtres humains. Donc ceci nous prouve que si jamais Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, c'est qu'il a vu qu'il y avait qu'il était mieux de ne pas le faire, donc il faut se contenter à la guidée du prophète alayhi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala al-qira'a ba'd al-fatiha. Donc quel est le jugement de lire après al-fatiha? Quel est le jugement de lire après al-fatiha? Il est venu un hadith dans lequel rapporté par Abu Qatada muttafaqun alayhi anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana يصلي بنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين. ينجي ابن نعم أبو قتادة رحمه الله رضي الله تعالى عنه le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude dans les prières du dhahr et du asr de lire dans les deux premières rak'ah yani al-fatiha et deux autres sourah. Donc ceci nous prouve qu'il est légiféré après al-fatiha de pouvoir lire barakallahu fikum, il y en a d'autres sourates. Donc comme on peut voir à travers ce hadith là, c'est une chose qui est légiférée car le Nabi sallam il l'a déjà fait. Donc à dalika, alladhi yadul ala dalika, ce qui nous prouve qu'il est légiféré de faire cela, hadith Abu Hurayra dans lequel il nous a dit illam tazid ala umm al-kitab ajza'atka wa in zidta fa huwa khayrun, muttafaqun alayhi. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nous dit si jamais tu te contentes de lire al-Fatiha, c'est une chose, yani, c'était permis. Mais si jamais tu rajoute après cela une autre surah, c'est meilleur. Donc ceci nous prouve que le fait de lire une surah après Al-Fatiha, ou bien certains versets après Al-Fatiha, c'est meilleur. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Et lisez ce que vous pouvez du Coran. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Musa salata, celui qui ne savait pas prier, thumma qara ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Puis, après que tu fais le takbir, lis ce qui t'est possible, yani du Coran, yani ce que tu connais du Coran. Donc ceci nous prouve qu'il est légiféré, tamam, c'est mustahab, après Al-Fatiha, yani d'ouvrir des sourates autres que Al-Fatiha ou bien certains versets. Tamam, c'est pas forcément une sourate, mais lakin certains versets qui m'ont dit, thumma qara ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Puis, tu lis yani ce que tu peux du Coran après que tu aies lu Al-Fatiha. فقال رحمه الله تعالى ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى. Donc il nous dit, l'imam al-Albani رحمه الله تعالى, comme on a pu l'évoquer, qui lui est recommandé après qu'il a lu Al-Fatiha yani de lire yani d'autres sourates. قال حتى في صلاة الجنازة. Il en est de même yani pour صلاة الجنازة, لكن j'ai pas trouvé de preuve qui prouve cela. قال أو بعض الآية في الركعتين الأوليين. Il nous dit que c'est pas forcément que la personne doit lire une sourate, لكن certains des versets, yani ce qui l'a mémorisé parmi les versets, quand même, il lui est permis de pouvoir le lire, même si jamais il n'a pas entendu, si jamais maintenant il entame une sourate et qu'il ne l'a pas terminée, yani si jamais il a lu quelques versets, yani c'est légiféré cela. C'est pas forcément une sourate dans son intégralité. قال رحمه الله تعالى ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعار أو مرض أو بكاء الصبي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى nous dit, et ensuite yani il lui est bon qu'il allonge la lecture, et après cela, c'est-à-dire après Al-Fatiha, ou s'il veut il réduit sa lecture si jamais il voit مثلا qu'il a un motif pour cela, c'est-à-dire en safar, comme c'est ma'rouf, parce que safar, comme a dit Nabi sallam, innama safar qit'atun min al-'adab. Il nous dit Nabi sallam, le voyage, le safar, c'est une chose qui épuise, tamam, donc une chose qui ne va pas te permettre de pouvoir être dans toutes tes capacités, comme c'est le cas lorsque tu es muqim, lorsque tu es résident, tamam. Donc yani, dans ce cas-là, il est bien yani, pour la personne de ne pas charger ça à son âme au-dessus des choses qui lui est capable. Lorsqu'il est malade, c'est un motif qui va, un cas où la personne va trouver qu'il n'aura pas toutes ses capacités de pouvoir lire tout ce qu'il voudra. Résumer la prière de manière à ce qu'il se repose. Lorsqu'il entend les pleurs d'un nourrisson ou bien d'un enfant. Dans ce cas-là, c'est bien que la personne n'allonge pas la prière. Comme فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أطيل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن أشوق على أمي. Il dit Nabi sallam, lorsque je rentre à la prière, j'ai l'intention de l'allonger. Mais j'entends les pleurs des petits, c'est-à-dire des enfants ou bien des nourrissons, quand même. Et je réduis ma prière afin que ce ne soit pas une charge sur sa mère. Car la mère, lorsqu'elle va entendre les pleurs de son enfant, son esprit va être occupé sur son enfant. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afin d'alléger la charge de la mère, qu'est-ce qu'il fait ? Il réduit la prière. Il réduit la prière et il n'allonge pas. Donc dans ces cas-là, c'est bien, dans les cas barakallahu fikum, d'observer les personnes qui sont derrière toi, qui sont présidées ta main, d'observer leur situation, c'est-à-dire que dans les cas, les personnes, tu vois, la plupart des personnes qui sont malades, ta main ne va pas lire Sourate Al-Baqarah, ta main ne va pas les acheter, ta main. Donc la personne à lire, elle doit prendre en charge les personnes qui sont derrière lui. Si elle voit que c'est que des personnes qui sont âgées, même qui n'ont pas vraiment la capacité de pouvoir se tenir longtemps debout, le mieux c'est que la personne y aille à réduire la prière, ta main. L'imam, il doit être hakim, il doit être sage, ta main. Donc il prend en considération les personnes qui sont derrière lui, qui est maintenant le Messie sallam, تخلفهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. Il dit ceux qui sont présidés, il y a des personnes qui sont faibles, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont âgées, et des personnes qui ont des occupations. Donc il ne faut pas charger, il faut être sage. Il faut que la personne, enfin l'imam, il fasse preuve de sagesse lorsqu'il préside la prière. قال رحمه الله تعالى وتختلف القراءة باختلاف الصلوات فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا يجي شيخ الألباني إلى بريير يدي تختلف القراءة باختلاف الصلوات يعني la longueur de la prière va différencier d'une prière à une autre. Il nous dit la prière, ou plutôt la lecture dans Salat al-Subh, dans le Fajr, elle est plus longue. C'est la lecture qui est la plus longue. Ensuite, c'est Salat al-Dhuhr, ensuite il nous dit l'Asr, ensuite l'Isha, et ensuite le Maghrib. Mais en vérité, c'est plutôt le Maghrib, ensuite l'Isha. Car comme on va le voir, il a interdit de prolonger ou bien d'allonger la prière, la lecture pendant pour l'Isha. Quant au Fajr, la sunna, c'est que la personne lise, yani, à l'allonge de la prière, à l'allonge de la lecture, dans Surat al-Fajr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Comme cela a été rapporté, tamam, par l'imam al-Nasa'i wa Ahmad, et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a authentifié ce hadith. Faqala kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqra fiha bi-tawal al-mufassal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Fajr, il lisait les surahs qui sont longues parmi les mufassal. Et les mufassal, c'est les surahs qui sont comprises entre eux. Il y a une surat Qaf et la surat Nas. Donc les deux surat qui sont, il y en a de telles. Les mufassal, on va dire, ils sont divisés en trois. T'as les longues, t'as les celles qui sont de lecture moyenne et celles qui sont courtes. Celles qui sont courtes, c'est à peu près, de surat le Juz al-Akhir, une surat al-A'la et la Nas. Ça, c'est les prières qui sont courtes. Celles qui sont mutawasita, c'est celles qui sont de à peu près surat al-Mulk jusqu'à surat Juz al-Amma, tamam. Et celles qui sont longues, c'est comme Al-Waqi'a, c'est comme Ar-Rahman, c'est comme Surat Al-Qaf, c'est comme Yanni, les surat qui sont à peu près, qui font à peu près 2-3 pages. Celles qui font 2-3 pages, ça s'appelle Tawal Al-Mufassal. Les longues surat de Mufassal, c'est-à-dire celles qui sont comprises entre Qaf et Surat Nas. Donc, Nabi Sallam, kana yaqra fiha bi Tawal Al-Mufassal. Yanni, les surat qui sont les plus longues parmi les surat du Mufassal. وقال فكان احيانا يقرا الواقعه يعني اللي زي النبي صلى الله عليه وسلم الواقعه اي celles qui sont semblables de الواقعه dans les deux rak'ah c'est-à-dire il prend الواقعه la divise en deux et il la lisait dans le fajr ça a été rapporté par rafikum par Ahmed وغيره وصححه شيخ الالباني رحمه الله تعالى et كذلك ça lui arrivait النبي صلى الله عليه وسلم qui lisait sourate at-tur comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim il a lu النبي صلى الله عليه وسلم sourate at-tur dans le fajr وكذلك يعني سألوا غيبة دليا قاف وكذلك يعني بارك الله فيكم يعني دوت سورة كي سون دو لا ميم مزور دو سورة القاف كما سي لو كا دو نعم النجم الى اخره تمام اي سارتان دون سارتان دون سارتان مومون النبي صلى الله عليه وسلم لي اريفي اوسي دو لير دي سورة كي سون بلو كورت كما سي لا ايتي لو كا دو سورة بارك الله فيكم اذا الشمس كبرت يعني سورة التكوير النبي صلى الله عليه وسلم قال له في سورة الفجر في صلاة الفجر سورة التكوير كما سورة رابطة بها الإمام مسلم والإمام أبو داود رحمة الله عليهما وكذلك إن فوق النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلاة الفجر يعني بالزلزلة قال له دو فوا تمام إذا زلزلت الأرض زلزالها النبي صلى الله عليه وسلم قال له دو فوا إن فوق النبي صلى الله عليه وسلم قال له دو فوا دو زيام ركعة سورة رابطة par l'imam Abu Daoud et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a authentifié ce hadith. Lakin as-sunnah, dans Surat al-Fajr, comme on a dit, c'est que la personne, elle prolonge un nid, elle allonge la lecture, et il lit à peu près une soixantaine de versets. Une soixantaine de versets, des versets de type comme Barakallahu fikum, comme Qaf. C'est pas. Parce qu'il y a certains versets, maintenant tu as trouvé un verset comme Surat al-Baqarah, un verset il fait une page. C'est pas 60 versets d'une page là. 60 versets. Qui sont dont la mesure d'un verset est à peu près comme les versets de Sourate Al-Qaf, qui font à peu près tu peux mettre dans une ligne à peu près deux versets. Ça, c'est la mesure du verset qui est connu lorsqu'on dit le verset, tamam, c'est le verset à peu près dans lequel tu peux mettre deux versets dans une même ligne. Deux versets dans une même ligne. Au cas de l'écart, le Sourate lui est arrivé de lire Barakallahu fikum, Sourate Al-Rum ou Sourate Yassin, comme cela a été rapporté. Par l'imam Ahmed et Cheikh Al-Albani, il a authentifié tous ces hadiths-là. Donc il y a la sunna dans Surat Al-Fajr, c'est que la personne, elle allonge la lecture. Et c'est la salat qui doit être la plus longue. La salat qui doit être la plus longue. Quant à la lecture dans salat al-dhahr, c'est qu'elle doit être faite, c'est taratan wa taratan. Yani, s'il veut la longue, et taratan, il raccourcit la prière. Car les deux ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, kana yaqra, yani, fi salat al-dhahr, yani, il lisait dans la prière de dhahr, sabbih isma rabbika al-a'la. Comme cela a été rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Au cas d'Alika, cela est arrivé de lire certains versets de Surat Luqman. Au cas d'Alika, une surat Al-Dhariyat, comme cela a été rapporté par l'imam, Al-Nasa'i, rahimahullahu ta'ala. Au cas d'Alika, il est arrivé une fois à Nabi Sussalam qu'il a prié, qu'il a allongé la prière jusqu'à ce qu'une personne a dit, j'ai eu le temps de partir, de sortir de la prière, d'aller jusqu'au Baqir, c'est-à-dire le cimetière qui est à côté du masjid de Nabawi, comme vous pouvez connaître, jusqu'au Baqir, il est parti jusqu'à là-bas. Ensuite, il a fait les ablutions, il est revenu, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours dans la première raka'a. Donc, ceci nous prouve que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il avait quoi ? Allongé la lecture dans cette raka'a. Donc, la sunna de Surat al-Dhahr, c'est pas d'allonger, c'est ni de raccourcir, mais de faire de temps en temps et de temps en temps. De temps en temps, tu raccourcis, et de temps en temps, tu allonges. De temps en temps, tu raccourcis, de temps en temps, tu allonges. Wa kadhalika, dans l'Ashr, il doit lire à peu près la moitié de ce qu'il lit dans le Dhahr, comme cela a été rapporté par Hadith Abi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit kana ou kunna nahzir qiyam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi dhahr wal asr فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لم تنزل السجدة وفي الأخرين قدر نصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على نصف من ذلك رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا حديث أوثنتيك تمام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نزفهم كيل نعم كذابي calcule à peu près le temps de lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière du Dhahr et du Asr. Ils ont vu que les deux premières rak'a de surat al-Dhahr dans lesquelles le Messie sallallahu alayhi wa sallam priait, a été à peu près d'une mesure qui est d'Alif Lam Tanzil, surat al-Sajda. Ils ont pu voir qu'à peu près les deux premières rak'a étaient équivalentes à la lecture de surat al-Sajda, yani les deux premières rak'a de al-Dhahr. Et dans les deux dernières, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lisait la moitié de ce qu'il avait lu dans les deux premières. Et il nous dit, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, quant à la lecture de l'Asr, on a pu voir que les deux premières rak'a, c'était à peu près la moitié de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les deux premières rak'a du Dhahr. Ils ont pu voir que les deux premières rak'a de l'Asr, elles étaient l'équivalente de la moitié de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les deux premières rak'a du Dhahr. Et dans les deux dernières rak'a du Asr, elles étaient l'équivalent de la moitié de ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les deux dernières rak'a du Dhahr. Donc, comme on peut le voir, Ani Alif Lam Sajda, Ani a fait à peu près trois pages. C'est-à-dire, la sunna, c'est que tu lises à peu près deux tiers d'une page dans la première rak'a et deux tiers d'une page dans la deuxième rak'a. Ça, c'est à peu près Ani la sunna que faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la chose qu'il était connu de lire dans Salat al-Asr. Et dans la prière du Maghrib, il y a la sunna, c'est kadalika, taratan wa taratan, comme c'est le cas dans Salat al-Dhahr. Car il était rapporté qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui arrivait de lire dans Salat al-Maghrib, le tour. Il a lu Salat al-Tour, et lui arrivait kadalika de lire, il y a l'A'raf. Et comme vous pouvez voir, l'A'raf, c'est une surah qui fait à peu près deux hizb et demi. C'est-à-dire 24 pages ou 25 pages. Il est arrivé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lire Sourat al-A'raf qui fait 25 pages, et comme on a pu voir la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était le fait qu'il a allongé les moudouds. Bismillahirrahmanirrahim. Il a allongé la lecture à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que ceci nous prouve qu'il est possible qu'à Dalika dans Salat al-Maghrib de pouvoir allonger la prière, de pouvoir allonger la lecture, et qu'à Dalika de la raccourcir. Il fait de temps en temps et de temps en temps. C'est pas tout le temps il lit soit al-A'raf, et c'est pas tout le temps kadhalika il lit qul wallahu ahad. Nabi sallam lui arrivait de lire wa tini wa zaytoun dans soit al-Maghrib, إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كي يعني سورة محمد qui lisait كذلك التور والمرسلات il lisait يعني ça prouve que يعني même حتى on peut dire peut-être que le fait que tu le prolonges un peu, si on peut voir après la hadith qui est rapportée à ce sujet-là, le fait que tu le prolonges, c'est plus la sunnah, tamam, c'est plus la sunnah. Parce qu'on peut voir, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Surat Muhammad, là, bah, c'est une surat qui est assez longue. وَالتُّورْ كَذَلِكَ وَالْمُرْسَلَاتِ كَذَلِكَ وَالْعَرَفِ C'est une surat qui est très longue. وَالتِّينِ وَزَيْتُونَ Ça lui est arrivé de faire ça, yani, de temps en temps, donc, وَاللَّهُ أَعْلَمْ Le fait de prolonger un petit peu la prière, c'est plus yani, la chose qui a été la chose qui a été le plus observée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Salat al-Maghrib. Quant à Salat al-Aisha, la sunna c'est que la personne elle n'allonge pas la prière. Tamam? Elle n'allonge pas la prière, qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, le fait d'allonger la lecture pour Salat al-Aisha. Tamam? Ça c'est une chose qui est détestable. Tamam? Une chose qui est fortement détestable, comme cela a été rapporté dans le hadith, il y a un Mu'ad ibn Jabir, radiallahu anhu, lorsqu'il a lu. Lorsqu'il a présidé la prière, et dans cette prière-là, il a lu Al-Baqarah. Tamam. La personne qui est une des personnes qui a été présidée, lorsqu'elle avait cela, elle est sortie de la prière. Tamam. Elle est sortie de la prière et elle a prié individuellement, elle a lu Qul huwallahu ahad. Lorsque les personnes ont fait un mu'ad de l'acte de cette personne-là, il a dit Hada munafiq. Cette personne-là, c'est un hypocrite. C'est pour ça qu'il est sorti de la prière. Lorsque cette personne-là, à qui il a été dit, est un hypocrite, et il a entendu cela, il est parti se plaindre et voir le prophète sallam en disant Mu'ad m'a accusé d'être un munafiq. Il a lu surat al-Baqarah, j'ai vu que j'ai préféré sortir de la prière et de prier individuellement et ça m'a coûté qu'il m'accuse de munafiq. Un Nabi sallam, il a appelé Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'anhu, faqala ya Mu'ad fattana anta et ya Mu'ad, yani, es-tu, yani, veux-tu yani, semer la discorde yani, au sein de la communauté fattana anta où tu sommets la discorde. Donc ceci nous prouve que le fait de prolonger la lecture dans l'Isha, c'est une chose qui est vraiment détestable. Et Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sunna qui était connue pour Salat al-Isha, c'est qu'il disait « وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْرَى إِذَا اِقْرَى بِاسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَخْشَى » Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il disait yani, les sourates qui sont courtes parmi Al-Mufassal, c'est-à-dire de Surat al-A'la et la surat al-Nas, à peu près. Hein? Surat al-A'la et la surat al-Nas. Ça, c'est la sunna qui est légiférée dans surat al-Isha. وَقَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْقِرَاءَةُ فِي صَلَاتِ اللَّيْلِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ Il nous dit, Cheikh al-Albani, que la lecture pendant la nuit, elle est beaucoup plus longue que la lecture qui est observée pendant les cinq prières obligatoires. Comme cela a été rapporté par Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu ta'ala anhu, qui nous dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ouvert la prière en lisant Surat al-Baqarah. Thumma, il a ouvert ba'da dhalika Surat al-Nisa. Ensuite, il a ouvert Surat al-Imran et Hakaza. Il a ouvert les sept premières, jusqu'à Tawbah. Il a lu les sept plus longues années Surat du Coran, c'est-à-dire al-Baqarah, Surat al-Nisa, al-Imran, al-Ma'ida, al-A'raf, al-Anfal et al-Tawbah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu tout cela dans une rak'a et ensuite, il a fait un sujoud qui était tel que la première yani le hadith est ma'ruf. Il a fait un sujoud qui était tel que sa lecture, il a fait un rukou' qui était tel que sa lecture et la khidhi. Yani Nabi sallam il a vraiment allongé la prière ce jour-là. Et le hadith Ibn Mas'ud et ce hadith est rapporté par Muslim. Le hadith Ibn Mas'ud dans lequel il nous a dit yani sallaytu ma'a Nabi sallam fa atala fihim qiyam fa hammamtu bi amr nusukh. Il nous dit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, et il a allongé la lecture jusqu'au point où j'ai eu yani, une mauvaise envie. C'est-à-dire qu'ils voulaient, ils l'ont dit, c'était quoi yani, ma hamam tabi. Ils lui ont dit, yani, qu'est-ce que tu as voulu faire? Il a dit, j'ai voulu sortir car la prière elle était vraiment longue. Il a dit, j'ai intentionné de sortir et de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci nous prouve que la lecture a été vraiment longue jusqu'au point où Ibn Mas'ud a voulu sortir de la prière. وقال رحمه الله تعالى وأن يجعل القراءة في الأخرين أقصر من الأوليين قدر النصف. نجي شيخ الألباني lorsque la personne a lit, tamam, les deux premières rak'a doivent être plus longues que les deux dernières rak'a, tamam, comme on a pu le voir dans le hadith Abi Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه qui nous disait que Nabi Sallam il prie le dhahr dans les deux premières rak'a d'une lecture qui était équivalente à la surat al-Sajda. Et dans les deux dernières rak'a, il lisait la moitié de ce qu'il avait lu dans les deux premières rak'a. Et il lisait dans l'asr, il lisait dans les deux premières rak'a, la moitié qu'il lisait dans les deux premières rak'a de surat al-Bahr. Et dans les deux dernières rak'a du asr, il lisait la moitié de ce qu'il lisait dans les deux dernières rak'a, barakallahu fikoum, du al-Bahr. Donc on voit que la sunna, c'est d'allonger les deux premières rak'a et de raccourcir, barakallahu fikoum, les deux dernières rak'a. Et sur ce, Inch'Allah, on va se contenter de cela. Et comme on a dit, Inch'Allah, si jamais vous voyez que n'importe quel conférencier, n'importe quel frère qui retarde son cours d'un quart d'heure, à peu près comme ça, par rapport à l'heure qui est annoncée, mettez-vous un compte, Belux, et après le quart d'heure, rentrez sur Belux, Inch'Allah. Si jamais on n'arrive pas à ouvrir le InSpeak dans le premier quart d'heure qui suit l'heure qui a été annoncée, donc les conférences et les cours, ils auront lieu après sur le Bélux. Et ça, c'est valable pour tous les frères. J'ai fait passer le message aux frères. Inch'Allah va mettre une annonce, si je n'oublie pas. Donc, Inch'Allah, je vois qu'il n'y a pas de main levée, donc on se contente de ceci. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Subhanaka rabbika al-'azim. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fiikum barakallahu. Inch'Allah, comme on l'a dit, si vous avez des questions, levez la main afin que je sache que la personne, il y en a qui a des questions. Donc là, c'est quoi la sunna dans le fait? C'est lire 60 versets par rak'a. Là, non, c'est de lire 60 versets dans soit tel. Non, 30-30. La sunna, même hatta, c'est que tu lises un peu plus dans la première rak'a. Que tu lises dans la première rak'a. Que tu lises dans la première rak'a, tu lis un peu plus. Tu allonges la lecture dans la première rak'a beaucoup plus que tu vas le faire dans la deuxième rak'a. Donc la sunna, c'est de lire à peu près 60 versets, t'as même, dans Salat al-Fajr. Et pas forcément 30-30. Dire Amin à la fin de la vocation, est-ce propre à la Fatiha? En tout cas, il n'y a rien qui nous a été ramené d'autre par rapport à ça. Nabi Sussani dit, « Idha qala l'imam wa rabbani, faqulu amin. » Lorsque l'imam dit « Amin », c'est-à-dire lorsqu'il a fini la Fatiha, et lorsque l'imam il a dit « wa rabbani », c'est-à-dire lorsqu'il a fini la Fatiha, dites « Amin ». Est-ce qu'il y en a, on peut dire ça pour notre sourate? Allah alam, il n'y a rien qui prouve ça. Donc on se contente de le dire après Al-Fatiha. Parce que Amin, c'est le fait que tu demandes à Allah, Jalla wa ala, qu'il exauce ta main. Donc déjà, awwalan, il faut que cette surah, elle comporte quoi? Des invocations. Après invocation, c'est-à-dire. Donc quelle invocation? Pendant la prière. Mais c'est-à-dire, je suis dans As-Sujud. J'ai Allahumma arzuqni al-jannah. Après de dire ça, je dis Amin, c'est ça que tu veux me dire? Pour toute invocation, que ce soit pendant la prière ou hors prière. Non, hors prière. Le fait que tu dises Amin. Lorsque l'imam, comme c'est le cas, et lorsque l'imam il dit, il fait une dua pour les gens, c'est bien de dire Amin. Parce que tu souhaites que qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce. Mais, que c'est toi qui fasses une dua, ensuite tu dises Amin, Wallahu a'lam. Est-ce que c'est connu du prophète sallam cela? Wallahu a'lam. Ce qui est connu, c'est qu'il disait la dua et se contentait de dire la dua. Si jamais quelqu'un fait une invocation pour toi, c'est parce que c'est quoi la ma'ana? C'est recommandé. Le sens qui est voulu dans Amin, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il t'exauce cette dua-là. Donc le fait de dire Amin, c'est intentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'exauce cela. Donc si une personne fait une dua, tu dis Amin, j'ai. Même si jamais cela n'est pas venu forcément dans la sunna, la kin c'est mashrouh. Parce que tu demandes que ça soit exaucé. C'est Amin, c'est une dua kadhalika. C'est une dua. Donc le fait de faire une dua, c'est recommandé. On se contente de cela, inshallah. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار